Et de l'agglomération, c'est cette dynamique partenariale entre différents lieux de différentes, avec des différents budgets, je dirais, en tout cas, peut-être je suis encore un peu naïve, indépendamment des différences politiques. Et ça, je trouve que c'est quand même, il y a quelque chose que je trouve extrêmement positif. On vous retrouve dans quelques instants pour nous donner un petit aperçu, une forme de mise en bouche de la saison 2017-2018 qui va s'ouvrir d'ici peu. Il y a en particulier un spectacle en partenariat avec le Festival Baroque de Pontoise qui sera un peu le spectacle d'ouverture de l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Juste nous indiquer votre choix musical, ce que nous allons partager avec les auditeurs dans le cadre de cette émission. Change de David Bowie. Pourquoi ? Alors, j'ai réfléchi hier parce qu'Arnaud me serinait en me disant « Allez, choisis, choisis ». Je me suis dit « Je peux choisir des artistes qui sont dans mon projet, mais je peux aussi choisir des choses que j'ai aimées et qui m'ont constitué. » C'est libre sur RGV. Voilà, et donc du coup, comme les artistes, je n'avais pas envie d'en choisir un, je me suis dit que j'allais partir de moi et que Change, c'est un petit clin d'œil puisque c'est un changement de direction. Que David Bowie, qui est un artiste fort, qui a été de rock, etc., est mort il n'y a pas très longtemps et qu'il a marqué profondément, j'ai envie de dire, la fameuse adolescence que je voudrais conquérir. Et donc c'était un petit clin d'œil un peu humoristique sur la vie du lieu, sur la fête, sur quand même un grand artiste. Et que j'aime bien que vous le présentiez, que vous le mettiez en face du Festival Baroque, parce que du coup, enfin, ce que je n'aime pas, c'est le cloisonnement. J'aime le décloisonnement. Et donc du coup, j'ai été amenée du coup, à être allée à, la, j'ai envie de dire, à l'ouverture de saison du Festival Baroque, et j'ai apprécié beaucoup la présentation et la dynamique, ce qui ne m'empêche pas d'aimer David Bowie et d'avoir envie de faire, j'ai envie de dire, un projet de vie de lieu. Et donc, c'est avec bonheur que nous ouvrirons la saison avec Magnificence à la Cour de France. Eh bien, voilà. La diversité culturelle comme la diversité musicale sur RGB, c'est une réalité 7 jours sur 7. Place à David Bowie. Every time I thought I'd got it made, it seemed the taste that was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. To be a richer man. Changes. I just wanted to be a better man. The time they takes me, but I can't trace time. Oh yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, as they try to change their worlds, well, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes, the face to strain. Oh, changes. Don't tell us to go up and out of it. Changes, the face to strain. They're changes. Pretty soon you left us up to our necks in it. But time may change me. I can't change time. Space fascination, fascinating me.

Retour avec Feriel Bakoury pour conclure cette émission, l'apostrophe l'émission première de la saison 2017-2018, première également pour elle-même, aujourd'hui sur les ondes de votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur Internet, et c'est sans limite et sans frontières, sur radio-rgb.net. Très vite, on a parlé tout à l'heure de magnificence à la Cour de France par l'ensemble Douce Mémoire qui sera proposé le mardi 3 octobre au Théâtre des Louvrets à Pontoise, en partenariat avec le Festival Baroque de Pontoise. Deux ou trois dates qui vont très vite s'inviter au public, Feriel. Oui, je pense qu'il ne faut pas rater justement les grands projets qui sont en lien avec les partenaires, donc le Festival Baroque, l'ouverture du Festival Jazz, la Nuit du Jazz. Donc ça, c'est du 4 novembre au 16 décembre, le Festival Jazz. Et puis tout ce qui va se faire avec le Festival théâtral du Val-d'Oise du 8 novembre au 17 décembre. C'est-à-dire que quelque chose à l'image de Jean-Joël, c'est-à-dire ces grands partenariats avec ces grands lieux. Et puis peut-être dans les spectacles, un spectacle qui me touche énormément et qui n'a pas encore reçu tout le public qu'il mériterait, Iring, du grand metteur en scène iranien. Amir Kurustami, qui a fait un spectacle absolument magnifique, j'allais dire sur l'histoire de deux jeunes filles dans une université iranienne, qui contredit un peu et qui montre une autre vision, j'allais dire, de l'Orient et du monde musulman, fait par un metteur en scène de génie. Voilà. Autre actualité très proche, elle, dans le temps, les Journées du Patrimoine, avec la proposition de visiter l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise le samedi 16 septembre. C'est immédiatement le week-end à venir, à 15h, découverte de tous les recoins méconnus du théâtre, du grill à 15 mètres de hauteur aux loges, en passant par la salle de répétition, la fosse d'orchestre ou bien encore la salle de spectacle ainsi que la régie. Autre actualité, le même jour, cette fois-ci samedi 16 septembre à 17h, toujours à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, la présentation du comité de lecture de l'apostrophe, suivi de 4 rendez-vous dans la saison, les samedis 7 octobre, 20 janvier, 10 mars et 5 mai prochain, on aura l'occasion au cours des prochaines émissions d'y revenir. En conclusion, eh bien pour toute information et réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, je vous invite à composer le 01 34 20 14 14 pour l'apostrophe, 01 34 20 14 deux fois, ou le www.l'apostrophe tout attaché en un seul mot .net, mais également le Théâtre 95 au 01 30 38 11 99, 01 30 38 11 99, et là également sur internet au www.théâtre95 en un seul mot tout attaché.fr. Remerciements à nos deux invités, remerciements également à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, remerciements à Damien Gissard pour la réalisation technique. Émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin. Elle sera rediffusée samedi prochain, samedi 16 septembre, de 9h à 10h, sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net, puis disponible en podcast à volonté, à toute heure de la nuit et du jour, et cela pendant non pas l'éternité, mais pas mal de temps. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe, l'émission, eh bien, ça sera pour le mercredi 11 octobre prochain, de 19 à 20h. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Merci à tous. Merci. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2.